de la musique indépendante de Montréal et de Québec sont en période d'inscription. Une occasion unique de te faire connaître et reconnaître au cours d'un concert vitrine professionnel. Les SMI, c'est aussi des conférences, des ateliers, une inscription pour deux événements et une seule adresse à retenir. Le www.salondamusique.ca. Jusqu'au 25 septembre. La rentrée est arrivée, mais l'été n'est pas terminé. Le pique-nique électronique se poursuit tous les dimanches jusqu'au 3 octobre pour vous faire danser au son des meilleurs DJ de la scène locale et internationale. La fin de saison sera haute en couleurs avec des DJ attendus dont Popoff, Rivastar, Josh Wink, Swayzak et plusieurs autres. Pour la programmation complète, visitez lepiquenique-électronique.com ou téléchargez l'application mobile sur votre iPhone. Tous les dimanches jusqu'au 3 octobre à la Place de l'Homme du Parc Jean-Drapeau, c'est le pique-nique électronique. Choc FM, l'alternative urbaine. À 70% ce soir, reconnaissez votre stade étoile habituel. On parle bien sûr de Bruno Corbin, bonsoir. Météo! Météo! On a du plaisir en studio. Israël Trudel-Denis, bonsoir. Bonsoir. Ben, tu sais quoi tu vas nous parler aujourd'hui? J'ai trois lettres de secondaire pour revenir aux sources. Des excellentes que j'ai triées avec soin. Un grand cru. Et voilà, toi Fred, j'étais là pour traîner. Ah ben ouais, puis on va... Okay, ça me tente-tu la biographie? The Fun and Blonde? Tu veux dire l'album de Fun and Blonde? Dans l'émission. Et voilà, on va parler de ça avec Predge. Content de te voir de retour. Sinon, Étienne... Ouais, ben en tout cas, le pont Jacques-Cartier, c'est au jaune. Pont Mercier, totalement évité. C'est pare-choc à pare-choc. C'est mieux stationnement que dans le métier. Il fait 25 degrés dans nos studios. Je voudrais pas être à leur place. On reçoit les grandes gueules. Ouais, ils ont fait un Wheelie Nordique. Retour à Québec. Dégueulasse. Ouais, c'est drôle parce que moi et Tommy, on se promenait dans la rue hier, puis tout le monde disait yeah, Nordique, yeah. Vous autres, est-ce que vous pensez que ça va être les puissants Coyotes ou les redoutables Lightning qui vont se retrouver à Québec? Ça devrait pas être le Lightning parce qu'il paraît que c'est un méga milliardaire qui a décidé d'acheter ça puis d'investir pour revenir l'équipe. Qui ici que ça intéresse réellement au hockey? Levez la main. Ah, l'espoir avec. avec Étienne Forêt. Le commentaire sportif. Sinon, l'espoir avec l'ami imaginaire. Au-delà de ça, tu nous parles de quoi, toi, Étienne? À soir, pas un autre spécial Remix Dance, j'espère? Non, j'avais pensé faire ça parce que j'avais encore bien du stock, mais je me suis dit, ben non, c'est le premier lundi d'octobre, faut que tu fasses un Oktoberfest. Ah! Des tonnes qui parlent de biais! Bon, ben, sauvé par les Allemands. Ouais, encore une fois. Oh. À la maison! C'est qu'on a du plaisir avec pas grand-chose, mais je suis content de vous dire que c'est Batal Ghazi Savouloun Gilyar qui a gagné ce soir au visionnement douteux. C'est quand même un fabuleux film turc de 1973, ça va nous donner de quoi jaser. Et surtout, ben moi j'ai amené une petite chronique de Bill sur... la mode, là. Je sais pas. Des fois, je suis en crise après ça. Je sais pas si vous vous en rappelez, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein? Tout est un spécial Oktoberfest, mais ça veut pas dire que nos bénévoles à l'étranger ne travaillent pas fort. Je suis très content de vous présenter ici la nouvelle chanson qui s'appelle Vol, vol, mon oiseau vol de Danny Daniel Gabriel. Puis on est très content à 70% d'être comme le diffuseur officiel de ces primeurs. Je ne l'ai même pas écouté encore tout à fait. Fait qu'on découvre, on découvre ça tout le monde ensemble. Ouais. Ça va être excellent à la maison, il fait 10 degrés. Ah, des découvertes! Des découvertes! Plus nouveauté à Choc FM. Avant d'aller plus prochain numéro 1. Avant d'aller plus loin, les gars, j'aimerais ça que tous ensemble, on fasse la paix avec l'hostie de remix des Four Non Blondes. Ouais, je sais pas. J'ai trouvé ça drôle de l'écouter toute la semaine jusqu'à ce que l'émission recommence. Oui, oui. Parlant de beat qui tape ses nerfs, j'ai amené la patente de la STCUM, là, la toune de 9 minutes. Là. On va l'écouter complet? Ouais, je pense qu'on est capable. Ça va être la chronique de Predge. On va garder juste le micro à Predge. Bon, ben pour l'instant, c'est Danny, Daniel, Gabriel. On écoute ça, ça dure 3:48. Juste des bombes! Ben oui! 70%! C'est seulement nous autres qui y a droit. Et, à la table tournante, DJ Georges! Je pense que ça commence rock'n'roll. J'aimerais, je suis sûr que Danny, Daniel va être d'accord, dédier cette chanson à tous les amoureux. Einstein, blablabla, vous écoutez, c'est satisfaisant. Que j'écoute à chaque fois qu'on parle de moi. Alors ici, Martin Richard. Marie-Ève Girard. Isabelle Desselves. Pierre Beaumard. Et vous êtes à 70%? La meilleure émission de Choc FM. Ici François-Xavier de Soleil Noir qui remercie Choc FM et 70% et leur bande de mutants. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Corbin. Les nouvelles. God! Piou! Alors, le Bikini Track Sprint se déroulera le 4 décembre prochain au Gold Coast Turf Club à Queensland, en Australie. La course consiste en une course de chevaux, moins les chevaux, plus des filles en bikini. L'idée étant que si on peut attirer des hommes pour venir voir des chevaux courir, imaginez combien ils viendront pour voir des filles en bikini courir. Bon, là, les sondages à cette heure, là... 27% des gens interrogés affirment être offensés par cette course, alors que 73% s'en contre ça trouve ça bien correct. Et un impressionnant 92% affirme que Scorpions devrait arrêter de faire de la musique. Celui-là, je viens de l'inventer. La gagnante de la course gagnera 5 000 $ australiens. L'idée n'est pas si originale que ça, puisque la American Horse Track Hollywood Park organise des courses similaires depuis longtemps. Donc, dans cette nouvelle, il n'y avait pas de controverse, pas vraiment de nouveauté, un mensonge. Une chance qu'il y avait des tontons. Bon. Deux tontons, un mensonge, on passe au vent. Vas-y, une autre, mon gars. D'accord, alors Francisco Everardo Oliveira Silva, communément appelé le clown grognon, vient de gagner un siège au Congrès du Brésil après qu'un procès de dernière minute n'ait réussi à le disqualifier pour analphabétisme. La victoire écrasante du clown est attribuée à sa seule promesse électorale, celle de découvrir ce qu'ils font au Congrès. L'homme a en effet déclaré n'avoir aucune idée de ce qu'il se passe au Congrès et avoir l'intention de ne rien faire sauf de découvrir ce que font les membres du Congrès et de le dire aux électeurs. Il semble que les électeurs aient trouvé que c'est une bonne idée. Là. On lui souhaite bonne chance là-dessus. On veut des noms. C'est qui ça, les électeurs? Les électeurs, oui, j'avoue. Ouais. Hey, les gars, c'est à mon tour après. j'ai dit ici. Okay, non, tu vois, gars, je lève un petit peu le volume parce que j'en ai une trame de son ici, trame de fond. Percevez le ventre. Oups. Qui se dilate? Ah, dilater, mon verbe préféré. Ben oui, c'est super romantique. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Swami. Attends un petit peu. Swami Aksharananda, alias Patrick Vezin. Cool. Il nous invite à la détente sereine et consciente, gage d'un équilibre physique, mental, psychique et spirituel. Je sais pas si ça va être contagieux et puis ça va se propager à ce qu'on va dire, mais bon, on va en profiter. Plus détendu déjà, je le sens, ça marche. J'aime mieux Four Non Blondes en disco. Hey, hein? Hey, cette semaine, là, moi, j'aimerais prendre un petit bout de temps pour remercier les gens de Carbone 14 parce que j'ai passé une belle fin de semaine là-bas. Et puis, on est allé faire un GN post-apocalyptique, là, les gens se déguisant en mutants. Il y avait ceux d'Umbrella aussi. Ils sont méchants, Umbrella, là. Hey, ils sont méchants, ils font des zombies partout, puis après ça, ils se sauvent. Puis ils ont tout le temps un contingency plan dans leur secret agenda. Fait que là, ils peuvent colisser le feu partout ou juste laisser les zombies là, puis sauver. Ils sont méchants, là, le monde d'Umbrella. Je sais pas si c'est une corporation. Et voilà. C'est ça. Voilà. Une corporation n'a pas d'armes. Corporation n'a pas d'armes et a le droit de citer au Congrès. C'est ça, la vie moderne. Et puis Umbrella, on sait qu'ils sont méchants. Mais j'ai entendu la phrase, en fait, la plus drôle que j'ai entendue en longtemps. Il y a un gars qui me parlait, je m'occupais des inscriptions, puis le gars, il me dit « Ouais, Carnage serait venu, là, mais il fallait qu'il garde. » On le reçoit la semaine prochaine. Après avoir ri vraiment fort pendant un temps, j'ai dit ben pourquoi il a pas mangé le bébé? Ou il aurait pu le faire garder par sa mère. Toutes nos sympathies vont aux parents des enfants. Carnage. Ah mais là, je parle pas de ça, je parle d'autre chose. Tu parlais-tu de Don? Don Carnage? Non, ouais, lui, il est là partout, man. Ah, ok. Il est dans nos cœurs. Fait qu'il était là. Ouais. Et tout le temps, là. Qui donne Carnage, ouais. Voyons, mais sinon, il vient de Laval. Danser un peu trop, Predge. Excusez. Donne Carnage, il remercie Laval dans la pochette de son premier album. Marc. Laval. La communauté urbaine de l'île de Laval qui s'appelle Laval pour faire plus court. C'est un petit peu toi, ça, Predge. Mais c'est le fun, tu peux le lire à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est comme, une ville. Comme Ouattatata. Hey, moi, je parle un petit peu de Coco Chanel. Vous la connaissez, Coco Chanel? Non, c'est pas vrai, Ouattatata. C'est Ouattatata. Ça fait Ouattatata. Ouais. Ouais. C'est pas tout à fait. C'est pas la même chose. C'est pas un palindrome. C'est pas un palindrome. OK, on le laisse-tu parler, là? Parce que là, il y avait stipulé qu'il parlait. T'avais-tu quelque chose à dire, Tommy? Ça nous tape ses nerfs. Ouais, ben non, non. J'adore ça, arracher des cheveux en quatre. C'est quoi qu'on dit? On dit arracher des cheveux en quatre. On dit, il va pas avec le dos de la main morte. Ouais, voilà, Jean Je vais peut-être aller regarder des Ouattatata. Donc, la grande dame libératrice qui est Coco Chanel, adulée par toutes les calices de revues de mode de marde, voici quelques-unes de ses citations. Mon petit, ne sortez jamais de chez vous, même pour 5 minutes, sans que votre mise soit parfaite, bas tiré et tout. C'est peut-être le jour où vous allez rencontrer l'homme de votre vie. C'est elle qui a dit ça. À 30 ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage. C'est elle qui a dit ça. Une femme sans parfum est une femme sans avenir. C'est elle qui a dit ça. Ce qui est beau, c'est qu'elle vendait les produits capables de guérir tous les graves problèmes qu'elle notait et pour lesquels on la reconnaît. Ça me rend de plus en plus perplexe le fait que l'industrie au complet pousse les femmes à l'isolement au travers des complexes véhiculés par le prétexte brainwashing qu'est la mode. Et Coco se fait encenser partout parce qu'elle a inventé les chaînes de la femme moderne. Je ne comprends vraiment pas et en reviens à une citation pleine de sagesse. Il faut questionner ses martyrs et douter de ses héros. Est-ce que la beauté d'une femme sert à faire bander l'éventuel père de ses enfants ou elle sert à lui donner un sujet de conversation avec ses amis? Quelle est la finalité de se sentir belle? Quelles applications pratiques peut-on porter à la beauté, la mode et le style? En quoi le code de référent qu'est la beauté peut être associé à l'amour alors que le superficiel est toujours son pire et plus grand obstacle? Outre la religion et encore plus que la technologie, la mode est le plus grand diviseur d'êtres humains. J'ai envie de hurler qu'on est tous manipulés, mais je pêcherai par redondance. Tout le monde le sait que nous sommes manipulés. On veut juste brûler avec un ensemble qui nous avantage ou la fille qui crée le plus de jaloux à notre bras. Depuis quelques mois, je sens quelque chose en moi qui change. Je me sens là et manipulé, ce qui me cause un rire d'un pathétisme sans horizon. Mais en même temps, je me sens de plus en plus fort car l'ennemi est de plus en plus ciblé. Mes panneaux n'étaient plus assez pour évacuer le dégoût que m'inspire tout cet égoïsme flagrant assumé. Merci à vous ici, mes amis, de m'écouter chaque lundi pour servir de valve. Sur le dos de la liberté d'expression, on coupe encore des arbres pour nous rappeler que Gucci vend du linge. Le budget de publicité de L'Oréal l'an passé au Canada était le même que le coût annuel du club des petits déjeuners du pays. Puis il y en a d'autres des compagnies de produits beauté, là. Avez-vous vu la pub géante dans le métro Berry-UQAM? Plus de 70% des 45 000 étudiants de la population universitaire de l'UQAM est féminine. Coïncidence? Fuck you. C'est un fait... C'est une honte. C'est notre honte et ça me rend heureux de voir une solution grandir sous mes yeux grâce à tous les motivés de notre cause qui se reconnaissent. La semaine prochaine, c'est l'ouverture du chapitre de Shawinigan. On a trouvé deux responsables au chapitre de Sherbrooke, en les personnes de Johan et Vicky, et le chapitre de Tadoussac devait être officiel à l'auberge tant reconnue dès la fin du mois. On est en pourparlers à Rimouski avec deux, trois endroits aussi. Chris, ça fait du bien. Merci. C'était pas mal la fin de mon affaire, moi, là. Étienne, veux-tu commencer tout de suite, toi? Attends, j'aimerais juste vous aviser. Souvent, tu sais, tu parlais de produits de beauté. Il y a un fun fact que j'aime bien, moi, ces produits de beauté. Puis j'aime bien me l'imaginer, justement, quand je regarde une femme maquillée. Le fun fact, c'est que souvent... En tout cas, j'ai déjà eu des conversations avec des filles qui me disent, tu sais, tu demandes avec quoi tu penses que c'est fait ton produit que tu te fous dans la face. Tu sais, ils vont te shooter du gras de baleine. Je l'ai entendu au moins 2-3 reprises ce soir, là, le gras de baleine. Mais là, c'est parce que là, combien de baleines qui tuent puis ton rouge à lèvres, tu penses? Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, admettons que c'est vrai qu'il y a des produits avec du gras de baleine. Combien tu vas le payer, ton rouge à lèvres? Hey, imagine, c'est illégal de chasser à baleine. Fait qu'à un moment donné, moi, je travaille de IGA, je dois avoir à peu près, je sais pas, au moins 16 ans, peut-être, quelque chose comme ça, pas longtemps. Puis là, je suis en train de nettoyer la boucherie, puis des entrailles. Bon, moi, les cadavres, ça a l'air que j'aime ça. Là. Moi, j'étais en train de jouer des entrailles puis nettoyer la boucherie, puis là, je patine sur le sang à terre, je vous jure, c'est dégueulasse. Puis là, ça sent la charogne, c'est horrible, c'est en train de tourner au vert, pourtant, c'est juste arrivé à matin, c'est horrible, là. C'est des poubelle de recyclage verte, là, gigantesque, vous voyez, mais plein de cadavres d'animaux. Puis finalement, à un moment donné, j'ose, ouais, vous faites quoi avec ça? Parce que là, ça s'en va où? Là, il me semble que c'est déjà dégueulasse, le voyage en camion, puis tout. Ça doit être vraiment dégueulasse, là, tu sais, le jus, puis tout. Il me dit, ben, ils font du savon puis des produits de maquillage avec ça. Fait qu'à chaque fois que je regarde une femme maquillée dans un club qui en a trop épais, là, tu vois les cadavres d'animaux. Puis un des ingrédients principaux aussi, c'est l'urée. L'urée qui est un des ingrédients principaux de la pisse. C'est magnifique. C'est super beau le maquillage. Et puis c'est prouvé aussi que le sperme de l'être humain est le plus efficace des exfoliants et des masques pour le visage. Ouais. Fait qu'il y a des filles qui payent 300$ dans une clinique de New York. Alors ben qu'ils pourraient juste se faire pour avoir en face par mois. N'importe qui, mon gars. N'importe quel pénis a la capacité de produire de l'urine et du sperme. Mm-hmm. Ah, le sperme, ce liquide de jouvence. Ah, c'est des choix de société, hein. Puis en plus, en faisant ça, ils pourraient comme sauver de l'argent ailleurs. Comme non, mais c'est des choix de magazines de mode et de Coco Chanel qui nous imposent. C'est très différent. Mes cheveux? Renaissance. Mais vas-y, je te laisse le contrôle de la antenne, mon. Ben d'accord. Premièrement, je voudrais juste qu'on regarde quelle heure qui est. Et voilà. Qui rit ça. Merci, Jar-Jar. Merci, Jar-Jar. Genre toutes les. Les chiffres. Pour moi, on va aller. Ouais. C'est genre, c'est pas 7, mettons. Mais c'est de 1 à 59, là. Non, mais même pas, parce qu'il a enregistré comme. Tu vois que 9 puis teen, c'est pas le même enregistrement. Ouais. On parle d'une poupée géante de Jar Jar Binks. Ben oui, qui doit mesurer à peu près 2 pieds. Et qui est là, tu sais, vraiment très ressemblant au vrai de vrai. Puis que quand il pèse sur les bras, ben il peut nous dire là. Il peut nous dire des phrases comme il a dit tantôt. Qui n'était pas vraiment une phrase. Ce qui est beau, c'est que pour ajuster l'heure, t'as pas le choix de le faire en l'écoutant. Il n'y a pas de cadran. Non, c'est ça, il n'y a rien de visuel, tout est audio seulement, et ça va être en vente à l'encan douteux de la foire. Du 19 au 22 novembre. Ils nous vendront aussi une canisse de gaz et des allumettes. Ouais, ça va être prévu. En complément. Pour les oreilles. Bon ben Étienne, vas-y, amène-nous le chicken yodel polka. Ben écoute, avant de commencer dans l'Octoberfest, tout de suite, j'ai quand même juste une petite chronique, que sont-ils devenus? Je sais pas si vous vous rappelez de Jean-Yves Hamel. Qui était l'organiste du Colisée. Il jouait des affaires de même. Alors ici, on a l'ambiance du Colisée de Québec. Elle l'aime mieux. Tu sais, on le veut comme mon oncle dans le temps des fêtes. Ouais, hein, c'est ça. Alors, ce gars-là, apparemment, il est décédé. Alors, ceci étant clarifié... On le salue. Oui, on salue ses descendants. On va commencer un peu on avec... une belle fin de semaine à Choc FM! On a du plaisir! 10 degrés! Alors, l'apothéose, évidemment, de l'Octoberfest, c'est, selon moi, cette chanson. Je vous mets au défi d'être de mauvaise humeur en écoutant ça. C'est impossible. Version reggae de ça. Et des versions de toutes de ça. Écoute, cette chanson-là a été sans cesse reprise. Sans cesse fois reprise. C'est ça. Exactement. Et voilà. Donc, cette chanson-là, c'est le Beer Barrel Polka. Fait qu'évidemment, c'est l'apothéose. C'est la chanson qui représente l'Octoberfest partout. Dis-moi que t'as une version de Mary Carmen. J'ai pas une version de Mary Carmen, j'ai d'autres versions. Une version tranquille de classe Wunderlich. Wunderlich lui-même. Le grand Wunderlich! Alors lui, c'est un peu comme le Serge Fontane ou le Lucien Étu de l'Allemagne. Donc, il fait que des chansons à l'orgue. Pour les fans. Et voilà. Puis là, il y a donc une discographie interminable. Il doit avoir fait 75 albums. À chaque fois qu'il joue, il s'enregistre. Ouais, tout le temps. Ça donne ça. Il y a un album complet de gamme, tu sais. Les albums, c'est une date, c'est le nom de l'album. Ça, ça va pas bien, quand. On peut-tu passer à la prochaine? Bien sûr. Si jamais vous faites un tour dans les Caraïbes pendant le mois d'octobre, ça arrive, tu sais, ça coûte pas cher pendant ce temps-là de l'année, vous pouvez quand même fêter l'Octoberfest avec la version Steel Drum des Beer Barrel Polka. Oh non! C'était ton premier bloc, là. C'est toutes les versions de la polka de mes deux. Là. Ouais, pas toutes. Là. Pas toutes. Je sais qu'ils ressortent. On a seulement une heure et demie. Ça, là, je l'aime bien. Ouais, c'est quand c'est même. C'est un trip d'acide, ça doit être assez spécial. Quand même assez. Ouais, j'avoue, il y a des couleurs. Non, non, ouais, ouais. Gelé, et voilà, tu vois des couleurs. Moi, j'ai pas fait une petite ligne, moi. Hey, tu es malade? Ceux qui pensent ça, ils font c'est quoi que je viens de dire, moi, là? Wow! Attention, on est en onde? Tu es en onde? Ceux qui pensent que j'ai fait une ligne, ils font vraiment petit. C'est bon. Ok, voilà. Je veux même jamais toucher une cigarette. Non, c'est pas ton genre. Je bois même pas de café. Jamais pris d'aspirine. Une prochaine, s'il te plaît? Le miel, ça tiens, moi, puis le suivi. Merci de nous ramener à l'ordre. Le steel drum, moi. On a fait vite le tour, hein? C'est vrai, il y en a beaucoup dans le reggae. Mais en fait, les seules tunes de la compagnie créole que j'aime pas, c'est celle avec du steel drum. Ah, le diable est dans la maison, puis Cayenne Carnaval. Mais tu vois, moi, je les connaissais pas, ces tunes-là. Non, moi non plus. J'ai jamais entendu ça. Ah, c'est quoi, ces deux tunes-là? C'est des tunes de la compagnie créole avec du steel drum. Chante-le un petit peu. On a du J'entends des tam-tam dans la nuit, dans l'air souple vent de folie. Irrésistible tentation, le diable est dans la maison. Je connais les paroles pour. C'est bon. J'aime ça, la compagnie créole. L'autre, il nous a coupé le steel drum. Ouais, ben c'est pour pas le mélanger, c'est dur chanter une chanson en écoutant un autre, je trouve. Ben ouais. Non, pas pour Israël. Ben hey, c'est du steel drum, je sais que ça réfuté. Comment? Je suis tout mêlé. C'est pas tough pour toi, tu fais ça à toutes les shows. Jouer une tune puis en chanter une autre. Je l'aime polyvalent. Vas-y mon gars, mets une autre, hein, on est capable. Ben oui, écoutez, il n'y a pas que dans les Caraïbes qu'on peut faire des polkas, évidemment. On peut aussi faire de la polka aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Puis évidemment, si on veut faire ça, qu'est-ce qu'on fait pour américaniser un peu la polka? Ben, on l'interprète à l'aide d'un banjo. Avec quelqu'un qui parle de même. Ouais, c'est des vaches. She's not my only love. I have another love. And she'll just have to share me. On s'imagine tout de suite un grand party d'Octoberfest dans une grange avec des cousins et cousines qui forniquent dans le foin. C'est ça. Depuis le temps que j'en rêve. Il y a une fille assise sur le drummer. Une autre chanson dédiée à tous les amoureux. Ouais. Tous les amoureux d'Alabama. Ça s'appelle Paul Corn de banjo. Tout simplement. Et évidemment, bon, ben... On a fait le tour. Oui, on a vite fait le tour de la polka sur le banjo, mais c'est pas le seul instrument qu'on peut utiliser pour dénaturer la polka. Au Canada, ici, on a notre groupe qui s'appelle Canadian Brass. Oh shit. Qui nous a fait... Avec les cornemuses, même. Non, c'est tuba polka. Ah. La Dunsin Bin. Je l'ai. Non, non, mais t'écoutes ça te lavant les dents le matin. Je te demande un service au nom de notre amitié. Qu'est-ce que tu veux quand on aime la toune? On aime la toune. Ouais. Ah oui, yeah, tu prends ta douche, tu te lèves, tu t'habilles avec ça, t'as l'air d'un cartoon, c'était cœur. Hein? Ça met de bonne humeur, un petit peu de tuba. Ouais, c'est pas plate, là. C'est juste le tuba pour le gars. Ouais. Ouais, on l'avait jamais entendu, celle-là. Ouais, ça me rappelle Dan Foley, Fredonne Noël. T'as-tu fredonné la polka? Non, je n'ai pas fait d'autre album. Dan Foley, fredonne l'Octoberfest. Ouais, c'est ça. Ça serait cool, hein, comme comeback, là. Comeback de Dan Foley. Dan Foley fredonne Jacques Villeneuve. Ah, il y a quelque chose à faire. Faudrait le contacter, là. Dan, si tu nous écoutes, là. Ah, ben, il doit être trouvable. Il est Québécois, Montréalais, je pense. Ben oui, il doit certainement être trouvable. Il doit rester à Hochelaga. Il y a une gloire de chez nous. Hein? On l'invite à la prochaine émission. Next. Okay. Fait que ça, c'est la partie canadienne. D'ailleurs, il y a un policier monté de la GRC sur la pochette. Fait que ça nous prouve que c'est vraiment du contenu canadien. Ah, okay. Ça prouve quelque chose. Ouais. Si on veut aller plus au Québec, ben on a Guy Boucher. Notre ami Guy Boucher, alias ancien co-animateur de La Fourchette d'Or. Il a fait la prison! Il a fait de la prison et il a fait cette chanson qui s'appelle La La La Polka. La La La. La La La. Tu sais, là, quand t'as plus d'idées pour ton titre. Moi, je connais tout près d'ici un remède. Avec des belles paroles, évidemment. Contre l'ennui, ah. On y met dans un petit coin avant d'entrer son gros chagrin. Moi, je connais Le chagrin. Un drôle d'endroit. C'est drôle, les lignes de bass de polka, c'est comme tout le temps la même, puis la musique est comme différente autour. Ça part de ça, c'est la semence de la polka. C'est polka, hey, c'est bon. Mais malgré qu'après avoir entendu ça, ça me surprend plus qu'on l'aille enfermé, là. On comprend maintenant pourquoi. Je sais pas ce qui est devenu Guy Boucher. Ça va peut-être dans une prochaine chronique de qu'est-il devenu. Bon, on lui souhaite le plus tard possible. Bon, et puis, on peut également utiliser la polka habilement pour apprendre à chanter à ses canaries. Non. Tu bénis pour apprendre à chanter à ses canaries? Ouais, vous rappellerez peut-être que, oui, nice. L'année passée, j'avais fait jouer ça, deux tunes de ça. Et il y a aussi le pizzicato polka qu'on entend ici. C'est une polka plus douce avec des canaries. Le canari écoute ça puis il apprend à faire pareil. Exact. Genre. Ouais, parce qu'apparemment, selon Hearts Mountain, ceux qui ont fait le disque, un canari peut pas par lui-même bien chanter. Il faut qu'il apprenne avec un master. Puis eux autres, ils ont les canari master qui se transmettent d'une génération à l'autre la qualité du chant. Fait qu'ils ont enregistré. C'est comme un Starbucks du canari. Exactement. C'est exactement. C'est comme breeder des goats de chocobo. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu sélectionnes, puis à un moment donné, ils sont bons. À un moment donné. Ton canari, est-tu d'élevage? C'est quoi le pedigree de ton canari? Viens-tu de Hearts Mountain? Fait que voilà. Donc, t'arrives au bout de ton premier bloc de chronique. C'est pas mal mon bout de polka, ouais. C'est pas mal ça. Hey, on va tomber dans le yodel la prochaine fois. Yay! Les chickens. On profiterait à la toilette, moi, je pense. En passant, Jar Jar peut aussi servir d'alarme, puis il est supposé de sonner pas mal bientôt, là, si j'ai bien seté l'alarme. Voilà. Hey, on va écouter une tune qui s'appelle Being a Dickhead School. Je l'aime bien, gros. Cool. Fait qu'on pèse play. On est à 70%, puis vous le savez. Puis si vous le savez pas, ben, c'est pas grave. On vient de vous le dire, mais Chris, t'écoutes pas! Ben, peut-être qu'il écoute pas. Peut-être que ça y tente pas. Oh, c'est Bernatché qui s'en vient. Bernatché! Oh, voilà, Bernatché! Au retour de Billing et des Bernatché! Bernatché! My fixie bike, got a plus one here for my gig tonight. I play safe, we all play safe. 2020 vision, just a pair of empty frames. Dressing like a nut, although I never got the grades. I remember when the kids at school would call me names. Now we're taking over their estates. Thank you. Vas-y, mon stridel. C'est-tu pas beau, ça? Première fois que je l'entends, ça. Laissez-moi vous transporter à l'école La Source 1998. La machine a remonté. La machine a remonté les souvenirs. Seulement à la même date et à Rouyn-Noranda. Je commençais à sortir avec une gothique un peu freak. Celle qui t'a écrit avec son sang? Une fois, ouais, mais là, elle n'a pas écrit avec son sang, elle a écrit avec un stylo vert. Mais t'es tout le temps à Chris, fait qu'on y va comme ça, c'est la plus longue de la journée. Salut Zaza, là je suis à la salle d'études. Ça, c'est où ce que tu te fais envoyer quand t'es tannant. Bon, là je suis à la salle d'études, puis boule et tout. J'ai fait chier le prof pour... voyons. J'ai fait chier le prof pour Canou, entre parenthèses moi puis Lène, sort du cours. Je sais pas trop quoi t'écrire, ça me tente pas de travailler, je suis pogné à table 6 dans le fond. La fameuse table. On se rappelle si la table 6, la légendaire. Comme si on y était. Il y a du monde poche ici. Il y a tout plein de petits poèmes démoniaques sur le mur. Et je vais vous appeler démoniaque. D, accent aigu, M-O-G-N-I-A-C. Ah, gnac. Démognac. C'est peut-être un mix entre démographie et Montignac. Ouais, c'est ça. C'est poche. Tu es le côté positif. Ah non, tu es le côté positif de la batterie et moi le côté négatif. Bon. C'est cool, il y a un débile assis au 5 à côté, puis il bouge tout le temps, puis il fait bien du bruit. J'ai le goût d'y crisser mon poing dans la mop. Le prof vient de pogner les nerfs après un jeune. J'ai hâte de te voir parce que je m'ennuie en crisse. J'en reviens pas que moi et sortir avec toi. Grimskunk, man, Grimskunk. Point d'exclamation. J'en viens pas que moi, je l'ai pas vu. Même écrit, elle parle comme la blonde de Normandin. Là. Mais non, c'est ça. Hey, comme... Tout à fait. Fait que, après Grimskunk, man, Grimskunk, point d'exclamation. C'est écrit facho, ça pue, on est bien, puis j'ai-tu demandé à venir au monde, moi. Cynthia, vu qu'on aille en ville. C'est bon, ça. C'est solide, hein? Ok, Cynthia veut qu'on aille en ville avec elle à soir. Avec elle. A-K-E-L. À soir. Patapouit. Excuse, ça me tente de dire des niaiseries. C'est rien que du radotage. Ouais. Bon, la cloche va bientôt sonner. Accent aigu. Là, je placote du show de Grimskunk. Puis fais chier avec son ticket de boule. Bon, ben, m'a te flushé jusqu'à ce soir. Je t'aime. X et X et X et demi au cornichon. Emmanuel. Fait que je vais vous lire la petite courte qu'il y a après. J'aime ça que ça, le dernier mot de sa lettre, c'est cornichon. Oui, c'est ça. Ça va l'air d'un défi. J'ai une ici de Blink 182. C'est Tom Dillon. L'autre, c'était Grimskunk, ça. Ouais. Je vais me garder l'autre qui a le kick sous moi pour plus tard dans l'émission. Yes. Elle donne son numéro, fait que si on veut l'appeler. Salut Israël, ça file, moins pas pire. À part que la vie, c'est ben gros fucké. Fucké ER. Ah, ben oui. Ça fait fucker. Ouais. La vie, c'est fucker. La vie, c'est ben gros fucker. Ça vaut pas ben ben la peine de vivre. Mais en tout cas, je sais pas si je suis ta friend, mais en tout cas, il y a une affaire. T'es ben smart. Même si t'es pas ben ben mental. Ah, t'es mental. T'es plus physique, quoi. Ouais, je suis plus physique. T'es d'espoir-études, toi, hein, c'est ça? Excuse, je veux pas te vexer. Ça, c'est bon. Ouais. C'est bon, ça, bon. Ouais, c'est correct. Bon. Ça, c'était bien fait, ça. Oh, ouais, c'est... Finalement, ah, ouais, c'est une chronique c'est... correction. Bon. OK, excuse, je veux pas t'avexer bien écrit. J'espère qu'elle est pas vexée. Moi et tout, je suis pas ben ben bright. Après, ouais. En tout cas, m'a te laissé parce que je sais plus quoi écrire. Ouais. Ça a été long. Ouais, c'est beaucoup d'inspiration. Fait bye! Blink 182, entre parenthèses, Eve Marie. Oh. Ah, elle nous révèle son vrai nom. Ça fait quand même plusieurs lettres de Blink 182 que tu nous dis. Ouais, c'est un grand cru, celle-là. Enfin, on sait s'écrit. Bonne chance bonne dans tout ce que tu veux. Écris-moi bien vite. C'est comme tout croche bien vite. Tu nous gardes ta troisième pour plus tard. Oui, parce que la troisième est vraiment excellente parce qu'elle a le kick sous moi, mais elle dit juste à la fin de la lettre, tu sais, puis vraiment par en dessous. Ah, parce qu'elle sait pas comment t'as le dire. Fait que là, si t'avais été tanné de sa fucking lettre en arrivant à la fin, t'aurais jamais su. Là, ouais, non? C'est ça. Puis elle t'en aurait voulu en est. Wow. Ben, je sais pas. Plus tard, dans l'émission. On a out. Hey, on se fait une petite pause on the background, là, on the flip side, là. T'es allé chercher des chips. J'suis allé chercher des vraies valeurs, là. Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Je vais baisser mon micro, là, pour qu'on pense Robert à Robert Bouillette. Des flocons! On peut parler entre nous autres. Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! On arrive au Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! Robert Bouillette. Des flocons! J'ai hâte à cette chronique. Ouais, moi aussi. Ça me rappelait quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Ouais, depuis la semaine passée. Alors, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Ah, je tiens à te dire que c'est pas mal ma chronique préférée que tu fais ici à l'épisode. Ben, tu réécoutes jamais l'émission, beaucoup. Israël. Oui, tu ne réécoutes pas. Ben, je m'en crie, je l'écoute en live. Ouais, ça, t'es cool. Alors, je commencerai ma chronique avec une mise à jour sur la page Facebook de Bac et Bottine. Ouais, comment ça va, ça? Ouais, depuis mon appel à tous désespérés de la semaine passée, la page est passée de 9 à 11 membres, soit deux amis à moi. Ben, c'est une augmentation de 20%. Ouais. Fait que, ça m'apprend officiellement que ma chronique BD n'a aucun impact sur quoi que ce soit. L'expiration. Que c'est une belle leçon d'humilité. Oh, okay. Puis, je vais me forcer encore moins. Ben, quand même, 20%. T'as-tu vu, moi, je suis pas allé. Non plus, non, non. Personne. T'as-tu vu? Mais je l'ai juste, j'ai remarqué que Bruno n'était pas allé d'ailleurs. Mais t'as été très précis sur le fait qu'il fallait vraiment être un fan. Je maintiens ça d'ailleurs qu'il faut que ce soit votre film préféré, soit sinon pas ça, si on veut pas de vous. Fait que vous êtes en grand nombre. Alors, un club très sélect. Ouais. Moi, je suis allé vite constater que c'était rendu à 11 en arrivant chez nous, puis après ça, j'ai plus de nouvelles. Mais t'as pas, ouais. Mais en tout cas, attends, une histoire à suivre. Je pense que ça va baisser bientôt. S'enlever fan de Bac et Bottine. Alors, sans plus attendre, mon dossier sordide sur Petzi. Alors, Petzi, on l'attendait, celle-là? On l'attendait, Petzi. Je t'en ai parlé au restaurant l'autre jour que je voulais le faire. Je sais pas combien de gens connaissent bien Petzi, mais... Très peu. Alors, Petzi, ou en danois Rasmus Klump, est une série animalière de bande dessinée danoise créée en 1951 par le dessinateur Willem Hansen et réalisée par sa femme Carla Hansen. Destinée aux enfants, cette série compte les aventures d'un ourson, Petzi, et de ses amis, Pingo, un manchot, Ricky, un pélican, Caroline, la petite tortue, et Amiral, le phoque. Vêtu de son éternelle salopette rouge à points blancs, Petzi parcourt le monde à bord de son bateau, le Mary, prénom de sa maman ours, qu'il construit avec ses amis dès le premier épisode. Bricoleur et jovial, Petzi est aussi un grand amateur de riz au chocolat et bien sûr de crêpes. Bien sûr. Bien entendu, à la maison, on se reconnaît. J'ai copié-collé les paragraphes de Wikipédia. Donc, une des particularités de la narration de Petzi est que dans les dialogues, au lieu d'être dans des bulles, sont placés sous les illustrations avec en médaillon le portrait des personnages. C'est ce que je retiens le plus de la série personnellement, genre la face de Petzi en médaillon qui est imprimée dans ma tête. Ça, puis aussi que derrière ton vieux Petzi usé, il y avait plein d'albums qui avaient l'air cool, mais qui n'avaient jamais nulle part. Fais juste comme lire le tiers des Petzi. Les éditions françaises par Casterman sont des versions condensées par rapport aux originales. L'éditeur, pour passer de 60 à 30 pages, n'a pas hésité à couper certaines parties, parfois au détriment de la cohérence du récit. Je vois pas aussi tu le problème. J'ai décidé de surnommer cette édition Petzi Diète. Mais ce surnom ne sera pas réutilisé de la chronique. Je me considérais comme la personne idéale pour faire un dossier sur Petzi parce que j'en ai aucun à la maison et j'en ai pas lu dans les 17 dernières années. J'ajouterais que mes souvenirs sont pas mal flous aussi. Mes recherches sur Petzi n'ont pas été très concluantes. Je veux dire par là que la page Wikipédia en français et en anglais de Petzi n'est pas très longue. Puis il semble y avoir moins d'engouement sur Internet pour Petzi que pour le nouveau film de loup-garou québécois, Le Poil de la Bête, c'est pour dire. Par contre, il y a une manne d'infos en allemand et en danois. Bon, je vais le préciser pour nos fans. J'ai aussi appris en googlant Petzi que c'est le nom de l'association fêtière suisse des clubs. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais pas chercher à le savoir. Fêtière suisse des clubs. Ouais. Par contre, ce que j'ai comme info, c'est le dossier sur Petzi que mon coloc a fait en première année. Ah, oh, sacré! Oh, wow! Si on peut pas le voir à la maison, mais peut-être Israël peut le décrire. C'est oui, mon coloc, Nicolas Fournier-Larocque, pour le nommer, qui a dessiné la couverture de Petzi en plongée. Ah oui, oui, on le voit. On voit Petzi et ses amis sur... et le pingouin, d'ailleurs, sur... Pingo, le manchot. On peut croire qu'il est sous la mer, puisqu'il chevauche un poisson. Ouais. Mais c'est ça... Pédia en plongée, oui, on dirait vraiment une couverture de bande dessinée. Il me tarde de la lire, mais il n'y a que la couverture. Il dit qu'il se souvient qu'il était très, très fier de ce dessin-là quand il était jeune, en fait. Donc, on voit là-dessus, on voit Pingo le manchot, mais il manque à l'appel le Tigro le lion et Aligo le crocodile. Non, en fait, c'était Morceau le morse. C'est Amiral le phoque, l'amiral. Non, non, c'est un morse. Il n'y a pas Caca le caméléon. C'est les derniers albums qu'on Et puis il y a le pélican là, qui traîne tout le temps tous les outils. Ouais, c'est là, comme un personnage des pieds à feu un peu. J'ai aussi le texte qui accompagnait son travail. Pédi en plongée. Je vous conseille de prendre ce livre parce que l'histoire est intéressante. Il y a beaucoup d'écriture. Il y a de belles illustrations. C'est beau. Ça, c'est tiré de l'exposé oral. C'est l'exposé oral de Nicolas Fournier-Larocque en première année. Alors, c'est pas tiré de son exposé oral. C'est son exposé oral. C'est l'exposé oral en entier. Dans ses souvenirs, c'était plus long. Ça me donne... Son dessin était plus beau. Nicolas, c'est très généreux de me sortir ça, mais ça me donne comme 10 secondes de contenu. Là. Ben moi, j'en ai un petit peu sur Pedi parce que c'est une... Ben j'ai encore 2 pages. Ah, ben collé, vas-y, puis je comprends. Non, mais tu compteras ça après, mais j'aimais ça, Pedi. Sinon, dans ce que j'ai trouvé, avant l'avenue de Pedi, les bandes dessinées n'étaient pas considérées comme de la littérature au Danemark et étaient même surnommées « littérature d'égout ». Et Pedi a changé cette perception populaire, devenant la première BD dans une bibliothèque au Danemark en 1971. Ce qui est une bonne chose, parce que moi, j'aime mieux aller louer mes Pedi à bibliothèque qu'en acheter. Mais le best reste toujours de ne pas les lire, évidemment. Aussi, le personnage, contrairement à Tintin, Spirou, Pif, Dumolaire ou Astérix, a un nom de famille. Il s'appelle Bjorn Ramsus. Avec la petite... Confortable. C'est quoi ça qui joue derrière? C'est Swami Arakansham Bankaran Karman. Il s'agit de Bjorn Ramsus avec la petite barre dans le haut parce que le créateur se disait que tout le monde avait un nom de famille et que son personnage devrait en avoir un aussi. On ne semble pas avoir gardé cette coquetterie ridicule en français. On aime ça, les coquetteries. Ouais. Justement, Bruno vient de s'attacher avec son chandail après sa chaise. Ouais, c'est très coquet. Soyez bien. En 2002, pour son 50e anniversaire, au Danemark, la série a monté de level et est devenue un timbre et a même gagné le prix du timbre de l'année, un prix que je n'ai aucune chance de gagner. Et toujours au Danemark, Pedi est un prix fort convoité. Le Rasmus Klump Award qui est remis à quelqu'un qui s'applique bien, qui applique bien les valeurs véhiculées dans la série, soit l'amitié, la fidélité, et est un bon exemple pour les Danois. Un autre prix que je ne gagnerai pas. Le prix est un dessin original. Original de Pedi, une statue de Pingo et 25 000 $ que tu dois remettre à la charité. Donc, très juste le dessin de Pedi et la statue de Pingu et le sentiment d'avoir été plus riche de 25 000 $ pendant un court instant. Le best, c'est de partir ta propre ton propre organisme de charité. Ouais, par exemple. Ça a l'air assez évident pour les Danois que Pedi est un trésor national, mais contrairement aux Belges avec Bobby Bobette et ses 323 albums, Pedi s'en est tenu à un raisonnable 32 albums et n'a pas survécu à la mort de ses auteurs. 32 albums, dont le tome 3, Pedi découvre un trésor. Pedi découvre dans les tiroirs de sa mère son vibrateur et prépare un gâteau avec. Tout l'équipage se régale. Tome 4, Pedi au pays du sommeil. Pedi fait des rêves érotiques au sujet de l'amiral. Il hésite à lui en parler, mais le fait se disant que ça allait atténuer la tension entre les deux. Oh, qu'il avait tort! tome 11, Pedi dans l'île Robinson. Pedi reçoit une idée géniale de dessin animé et s'en prend tout le crédit et part avec le cash. Heureusement, le destin le rattrape et il se fait tuer sur la table d'opération à la suite d'une chirurgie esthétique. Il est de retour dans l'album suivant. Oh wow. Était-ce un rêve? Non. Tome 15, Pedi devient roi. Pedi fait une scène au Burger King parce que la fille lui dit qu'ils n'ont plus de couronne en carton à donner avec son trio double cheese. Finalement, il trouve une caisse sous le comptoir. Pedi se sent mieux, mais il garde quand même un mauvais souvenir de cette journée. Et finalement, tome 31, les bonnes idées de Pedi. Les bonnes idées de Pedi. Pedi a la maudite bonne idée de déménager à Montréal le jour du grand tour de l'île. Il y a un cycliste qui rentre à toute vitesse dans son frigidaire, s'ensuit une ennuyeuse intrigue juridique. Une intrigue juridique. Ben, dans Pedi, c'est ça, c'est l'avant-dernier tome. Hein. Étant donné que Pedi semble être fucking important pour les Danois, je suggère qu'il associe ses forces avec le plus célèbre des réalisateurs danois, Lars von Trier, qui nous a offert... Pedi de Musical. Ouais, genre. Qui nous a offert Dancer in the Dark, Les Idiots, Dogville et le très familial Antéchrist. Le réalisateur chouchou des dames pourrait porter à l'écran l'univers féerique coloré du petit ourson avec sa touche personnelle. Genre un film filmé caméra à l'épaule avec lumière naturelle où Petit serait joué par un vrai ours avec une salopette rouge et une tuque bleue. Qui s'attaquerait à des femmes dans une forêt sombre la nuit pour recueillir leur sang menstruel qu'ils portent comme un parfum. C'est ma suggestion de film pour Lars von Trier. Avec Pedzi dans le rôle du héros. Voilà. Je ne peux passer sous silence aussi le décès ce matin de Roger Joubert. Alors, salut Roger, où tu vas? Il y a toujours plein de soleil. Puis, il y a eu des décennies de Pedzi, je savais pas ça. Donc, Pedzi, c'est vraiment cool. J'adorais ça lire ça quand j'étais jeune et je donnerais un sincère 10 sur 5. Bernatché. C'est un peu brouillon. Hein. Moi, je pense qu'on devrait partir un concours en ondes la semaine prochaine, puis gagner un souper avec Bernatché. Là, on va en avoir des téléphones, des emails. Puis moi, j'aurai un souper. Tu pourrais manger. Pedzi, en fait, là, c'est une des dernières bandes dessinées à avoir été. Il dessinait, mais il n'y avait pas les phylactères, les bulles dedans. Il mettait en dessous ce qu'il parlait. En médaillon, le visage. C'est comme une mode, franchement. Norvégienne, puis de ce coin-là, parce que Oslo, le petit roi, là, en fait, le petit roi de Tom Déplacez Oslo, vous oubliez son nom de famille, là, dans les années 50, lui aussi, c'était ça en bas, là, ça écrivait en bas. C'est comme les deux dernières BD qui ont été faites, que c'était écrit en bas, à ma connaissance. Que, cette minute instructive vous était offerte par douteux.org. Il y avait plein de fins instructives dans ce que j'ai dit aussi. Ben oui. Moi, je voudrais juste dire à tous les gens qui nous écoutent que si vous voulez voir les dessins et la petite carte avec le texte, que Julien a utilisé, je viens de les mettre sur notre page Facebook de 70%. Caline! Hey, c'est vrai, t'as-tu vidé la... Hey, merci beaucoup, Julien, d'être venu. Tu as un plaisir, Tommy. Ouais, je pense que oui. Hey, vraiment un héros, Bernatché. Moi, j'aimerais juste dire aussi que j'ai vu l'affiche du film de Bob et Bobette qui s'en vient bientôt, puis j'ai vraiment hâte de ne pas aller le voir. Film en dessin animé et en vrai. En dessin animé. On n'ira pas le voir ensemble. Je pense qu'on est très, très, très nombreux. On va-tu pas le voir, tout le monde? Ouais, on va passer une super bonne journée sous la gueule ailleurs qu'au cinéma. Je prévoyais qu'on pourrait aller tous le voir en même temps, puis après ça, venir faire une critique, puis inviter Gaberoy à venir donner son contrat. Donner son contrat. Malgré que ça peut pas être pire qu'à la fois qu'on est allé voir Les Pieds dans le Vide de Marie-Lou Wolfe tous en même temps. Il y a Vincent Bolduc, c'est scénario de Vincent Bolduc. Ça peut toujours être pire. Ouais, j'aime pas ça quand tu dis des choses comme man. Ça. Que, tu veux dire le titre du film? Étienne, as-tu été checker notre boîte inbox de la semaine? Oui, je suis allé, puis imagine-toi qu'il y avait un nombre incalculable de zéro mail qui était là, qui nous attendait. Est-ce qu'on rappelle l'adresse à tous nos fans? Oui, l'adresse c'est 70% à gmail.com, donc ça s'écrit 70POUR100 à commercialgmail.com. Envoyez-nous vos suggestions. Vos questions, on va les répondre en ondes. Oui, des critiques. Chialez contre nous, adulez-nous, faites des demandes, n'importe quoi. Dites-nous qu'il faut qu'on aille souper en fin de semaine chez vous si vous êtes la mère de quelqu'un ici. Laissez-vous aller. Hey, excellent ça. Hey, moi, je mets un petit bout du film Batal Ghazi Gelior Savoutoun. Et puis, on va revenir en parler un petit peu après. Ça a de l'allure, ça. C'est tellement de l'allure. Ouais, mais à quoi ça sert de mettre un bout du film qu'on comprend pas? Ben, parce que c'est drôle d'écouter du turc. Ben, pas trop longtemps, là. Ben non. Attache ta turque avec la broche. C'est ça. Puis gars, sinon c'est une toune, check. Sinon le monde, ils vont penser qu'on n'écoute même pas des films turcs en turc. Ah oui. On va voir là. C'est au début, là, il y a une procession avec une épée. Le monde, ils vivent tout dehors dans des tentes puis des cabanes en bois. Paraît que les Arméniens, ils aiment pas les Turcs. Ils prennent comme tête de turc. Ah! On a du plaisir en studio! Benim gibi koca muşlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim. Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek. Maması gerek. Layık olan Maması kılıcımı gerek. Ve serdarlığı alacaktır. On comprend un peu finalement ce qu'il se dit. Le Turc, ça ressemble bien gros français. Hitler, Armeydanla! Hitler, Armeydanla! Aïe, avant d'aller vers Étienne, il va nous faire le deuxième bloc de son aventure. Hein? On parle un petit peu du film. Ben oui, certain, parce que bon, tu me titilles avec ces extraits. Ben oui, hein, je veux en savoir plus. Des gros zoom-in sur des faces velues, là. Donc, tout d'abord, merci à David Vallivet pour avoir déniché tous ces merveilleux films turcs de jadis, digitalisés par un inconnu en langue inconnue. On les a quand même, puis ça nous permet de les regarder. La conservation de ce film de 1973 n'aurait pu être plus bâclée. Aussi, si vous trouvez une meilleure version, on serait content de l'avoir, chose que ça me surprendrait que ça arrive en sapristi. S'il y a des auditeurs en Turquie? Ouais, c'est ça, c'est ou des fois, il y en a un que ça traîne chez eux. Là. Mais au-delà de la qualité du contenant, on trouve le contenu, et c'est précisément ce que l'on aime chez nous, le contenu. Alors, on parle du contenu. Oui, c'est en turc. On ne va rien comprendre, mais on va tout comprendre. Le roi vient tendre une épée à Cunette en faisant un bien cuit à l'envers devant tout le village assemblé. Pas besoin de connaître chaque mot pour comprendre qu'il l'a en sens et qu'il le désigne comme le protecteur officiel du village et lui souhaite de marier la fille qui mérite des close-up et qu'il est aimé de tout le village. Bon. Et pour avoir déjà écouté un film turc avec un ami turc, j'ai eu la confirmation que tout ce que l'on croyait deviner était à plus de 70% vrai, ce qui me va totalement comme ratio. Et je n'ai aucun pouvoir de déduction qui soit au-delà de votre capacité à vous. Bye de bye, là. Ah, je l'aime, moi, cette expression-là. Bye de bye. C'est pas pire. En Turquie, c'est très mal poli d'appeler une personne bronzée de naissance un noir. La formulation est polie est de dire un nègre. Comme quoi, l'espace-temps aura toujours raison sur les conventions sociales. Dans le film de ce soir, donc, Cunette est le héros du village. À un moment donné, qu'il est ailleurs, tout le village se fait tuer et ou violer par les hommes de la religion stripteaseuse. À son retour, il constate tout le mal causé par ses suppôts de la fausse religion et décide d'assumer le processus logique d'enlèvement, entraînement, vengeance. À noter que le film se passe circa 1200, ce qui explique pourquoi les Vikings, les Nord-Africains, les Caucases sont tous de la même bannière de méchanceté. La croix chrétienne du Saint-Cœur miséricordieux du très souffrant Seigneur de Dieu, bien meilleur que toi, qu'est Jésus-Christ notre Sauveur, né 4 ans avant lui. Cunette est turc, donc musulman, donc ennemi de cette foi envahissante qu'est celle d'avant. Et je vous suggère de ne pas hésiter à faire parler les personnages en écoutant un film comme ça. Ça finit souvent très drôle et bien près de la vérité. Genre, j'aime ça que tu me donnes l'épée, que je la regarde et je la mets sur mon front. Maintenant, je suis noble et ma fente entre les dents ne paraît plus, car je ne parlerai pas et irai m'entraîner dans le bois. Et voilà. Et puis là, après ça, il y a les religieuses. Il y a comme la séquence là, qu'elle est méchante. Comme Umbrella. T'es déjà là dans ce temps-là, Umbrella. C'est pas fin. As-tu des plus pas fins comme Umbrella? Sûr qu'il y en a certains. Fait que moi, je mets la tune thème à Étienne, là, puis après ça, ça va être ton tour de légende. Radio Cochonnerie. Moi, je trouve que ça te représente tellement bien. C'est exactement moi. Les gens qui connaissent DJ personnellement, leur place tout de suite. Et comment à personne? Ben, comme la chanson, on peut la réécouter encore. La semaine prochaine. Ça passe vite. Donc, on a parlé de Polka. Là, maintenant, je vais rentrer de plein pied dans le bloc Yodel. Donc, évidemment, j'ai pas le choix de commencer mon bloc Yodel par... Le préféré de Tommy. D'habitude, je le fais jouer à l'Action de grâce, mais l'Action de grâce, c'est la semaine prochaine, puis Tommy sera pas là, fait que je vais le mettre cette semaine tout de suite, ça va être fait. On a le Chicken Yodel par Kerry Christensen. Donc, voilà, je passe ça tout de suite. C'est ma préférée. Et je fais des heureux. Donne fin. Ouais, hein. Peux-tu commander du coq? Ah, c'est tiré de l'album The Best of Gary Christensen. Hooked on your The Best of. Ah, ben on a peut-être une chance de l'avoir reprise par les Jingle Cats un jour. Éventuellement. Écoute, c'est pas n'importe quoi. Le Hooked on Yodeling. Sur l'album, c'est même écrit Including the Famous Chicken Yodel. Ça pochette, fait que voilà. The Famous. World renowned. Ouais, fait que voilà qui entend bien un bloc Yoda. Je peux également faire un petit peu de lien entre le Yodel et la polka à l'américaine de tantôt. Si on écoute Slim Whitman, nous chanter son Tennessee Yodel Polka. Slim Whitman, on le rappelle, qui fait exploser les têtes des Martiens dans Mars Attacks. Si des Martiens à l'écoute, nous sommes désolés. On chante avec Virginia Lee. Je pense tout le temps à Goofy et qui se fait mal quand on entend du yodel. C'est vrai quand même. On le salue. Oh, salut. Mais bon, du yodel, il y en a partout dans le monde, c'est sûr. Mais c'est toujours plus pur quand on l'écoute en allemand. Comme ça. Alors ça, c'est Bayerisch Polka Yodel. Dis latin, Polka. Bayerisch. Bayonique. C'est-à-dire que ça vient de la Bavière. Yodel Polka de la Bavière, cette belle région. Oh là, salut! On salue les gens baveux qui nous écoutent. Est-ce que les habitants de la Malaisie, c'est des malaises? On se demandait, hein, l'autre fois. C'est possible. Gary Daigneau. La réponse plus tard à 70%. Tu vois, si j'avais le polka tout à l'heure pendant que je me brossais les dents en soundtrack, mettons, là, ouais. Je mettrais celle-là pendant que je fais mon petit caca le matin. Ouais, tu vois, tu partirais de bonne humeur, tu sais. Ben ouais. On t'imagine gambadant dans les prairies. Dans le, ouais. Vers ma salle de bain. On peut changer? Ben oui, on peut. Il est plus capable. La prochaine, elle va être bien meilleure. Regarde, ça, c'est complètement différent. Ah, ok, tu parles une toune. C'est I am a yodeling girl. Ah bon. Après ça va être ton bloc Manon Bédard. Ben Manon Bédard, écoute, j'ai tout le temps pas le choix d'en parler quand je parle de yodel. Mais imaginez-vous donc qu'elle a sorti un nouvel album. Ah, oh, tabarnak. Mais cruelle déception, il n'y a aucun yodel sur cet album-là. Donc elle tente de se dissocier de son espèce de rôle de yodeling girl. Puis elle s'en va plus vers le country. T'sais. T'es en train exactement, c'est devenu une femme. Un peu mytho, bien dans sa peau. Fait que je peux pas en faire jouer de cet album-là pour aujourd'hui. Je garde ça pour la semaine prochaine. En attendant, bon, ben tout le monde connaît son grand succès éternel. J'ai visité la Suisse un jour pour voir ce beau pays. C'est là que j'ai entendu ce joli. On l'a dédié à tous les amoureux. J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. Tous les amoureux de grosses montagnes. Ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré un yodel. Tu vois, elle s'en allait sur la grosse montagne comme ça, elle se méfiait de rien. Elle était même pas arrangée rien pour rencontrer l'homme de sa vie. Il a montré à faire ça. Ouais, mal lui en fut. Si elle s'était remonté les bas puis mis à son plus beau jour, comme Coco Chanel lui disait, elle serait encore avec aujourd'hui. Elle serait pas obligée de chanter pour vivre. On la salue. Ouais. J'ai la version ici de Dan et Lou. Dan et Lou! Eh oui, tu connais bien, eux autres, hein? Ouais, ouais. Ils sont pas loin de chez vous, genre. Viennent de Rouen. Ouais. Viennent de Rouen-Noranda. C'est encore meilleur. Ouais, ils sont comme moins bons, hein? On dirait, hein? Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote au sujet de la chanson de Manon Bédard. Il m'a montré à yodeler. C'est une des premières chansons que j'ai apportées ici à 70% dans mes tout débuts. Puis j'avais juste préparé un petit court extrait là, pour montrer le meilleur bout. Puis c'est la première fois de ma vie, avant et depuis, que Tommy me dit « Hey, mais en donne un petit peu plus pour voir. » Puis là, j'étais pogné parce que j'avais rien que mis cet extrait-là. T'sais. Depuis ce temps-là, il ne m'a plus jamais redemandé de mettre plus d'une toune que j'aurais été par moi-même. Sauf pour le chicken yodel polka. Ouais, c'est ça. Ça, tu me le demandes tout le temps. Là, t'as ta dose, t'es bon pour un an. Ah, puis pour le remix dance des... Non, c'était pas moi. C'est pas toi, ça, non. Au contraire. À la santé de nos chefs! C'est pas mon style. Mais on a aussi un autre truc assez intéressant qui est Céline et Guylaine sur leur album En avion. Qui nous chante... Oui, eux autres sont belles. Oui, ils sont belles. C'est un duo mère-fille, en fait, Céline et Guylaine. Oh, wow. Puis là, ils nous chantent Écho et Tyrolienne. Donc là, ça commence ordinaire, tu sais. C'est genre country. Ah ouais, surprise. Toi, Étienne, t'es genre dans le genre d'or jusqu'à ce que tu peux te pogner et la fille et la mère. Ouais, exact. En même temps. Si vous voulez voir là, de quoi ils ont l'air, si je me trompe pas, il y a encore un extrait de Garden Party où Céline et Guylaine chantent dans le spécial country de Garden Party sur YouTube. Allez voir ça. Ils sont très belles. Et voilà, tout à coup, le yodel. Ouf! Mais là, le meilleur bout, c'est vraiment à une minute de la fin. Je vous y amène tout de suite. Merci! Vous allez voir. Allez! Checkez bien ça. Ils sont endiablés, là. Attention. Oh! On monte de demi-temps. Ça module. On va plus vite. Faut qu'ils arrêtent, là, depuis leur accident, ils sont jamais capables! Ils vont se blesser! C'est des dieux, man! Oh my god! On dirait une alarme de char! En fait, ça ferait plus peur que les vrais! Le pianiste qui a été engagé juste pour ça! Yeah! Hein, ça rentre-tu en tabarnane, Céline et Guylaine? C'est héréditaire, là, le yodel. Oui, c'est héréditaire. C'est le gène, c'est sur le chromosome double Y. Donc, si ton père l'a pas, tu l'as pas. Non, tu peux pas. C'est fini. Okay, bon. C'est transmis par le père, je pense, à la main. Je pense que Céline avait couché avec son père. En tout cas, je sais pas trop. On parle des rumeurs. Ouais, donc. voilà. On les reçoit la semaine prochaine, on leur posera la question. Ouais. Fait que ça, c'était pas mal mon bloc Yodel. Ça veut dire qu'on t'a fini ton bloc Yodel puis on passe à autre chose. Non, ben oui, on peut. Bruno, les nouvelles. On a plein d'autres mots. Moi, je sais ce qui se passe, mais dans le monde. Ben, qu'est-ce qui se passe? Un peu avant, je veux mettre une toune, moi. Parce que là, on a presque fini de parler tout le monde, là. Puis après ça, ben, on va pouvoir revenir à faire des affaires de 70%. C'est le Dogs of Glory by Jim Steger. Ah, oh, fuck, non. Ouais, ouais, super bonne celle-là. C'est à 70%. On vous revient juste après. Parle de Jésus. On la dédie à tous les amoureux. Like a dog looks to his master, I will turn my eyes to Jesus. With devotion in my footsteps, I will follow where he leads me. Down a righteous path to glory, in this world of sin and trouble. There's a promise that I'm after, and it's better than a bone. I will walk beside still waters with the leash of love around me. I will dance amongst the flowers in fair pastures far and wide. I will stop at all the corners, look both ways before I venture. And when my soul is awakened, I will fetch the cherished prize. Glory, glory! Glory, glory, praise his name. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise his name. If I could read, I'd read the Bible, 'cause its words are full of water. It's a water that is living, and it's soothing to my soul. But for now I'll just be thankful, and I'll praise him for his blessings. 'Cause his love and grace and mercy is alive and keeps me whole. Glory, glory, hallelujah. Glory, praise his name. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise his name. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise his name. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise his name. Bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70% la meilleure place où je prendrai mes vacances. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous avez l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Les guélurons. De l'information, surtout. C'est cette partie-là qui est le plus drôle. Oui, c'est ouais, ça. C'est vas-y, Bruno, a, man. Informe-nous de l'information de Guy Luron. Ça de l'information des fois. Là. La police affirme que Isaac H. Stoltzfus, un juge du district de Intercourse en Pennsylvanie. Intercourse. Checkez bien qu'est-ce qu'il faisait. Cachait ses condoms usagés dans des cocottes et les distribuait aux femmes devant le Capitole la semaine dernière. Des cocottes? Ouais, dans des cocottes. Là. D'arbres? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il faisait. Ouais. Un héros. Les femmes ayant reçu ce cadeau ont affirmé avoir été offensées par ce geste. Ben là. Ah ben. Le juge a été accusé de conduite désordonnée. C'était juste une blague. Ben voyons, les femmes aujourd'hui, tu les traites de salopes, puis après ça, sont en maudit. Ça pogne les nerfs. Mais comment qu'ils pouvaient en avoir des condoms usagés, tu penses? Ben, je sais pas. C'est un chiffre qui est avancé. Il en a donné 500 au courant. Pour que ça soit usagé, t'as juste besoin de la mettre, t'as pas besoin de fourrer avec, tu sais. Ah, bon point, bon point. Ouais, mais. Ben, elle, toujours la bonne raison. Je sais pas, ouais. Ben là, tu sais, je veux dire, mon petit frère le faisait. Ben genre comme mint mais unwrapped, genre, ça marche-tu, ça? Near mint. Unwrapped. Ça a pas été déroulé. Hey, vas-y, mon gars, un autre. D'accord, la police du comté de Manatee, en Floride, a arrêté Raymond Roberts pour excès de vitesse. Lors de son arrestation, les policiers ont senti une forte odeur de marijuana émanant du véhicule. Une fouille minutieuse de l'homme a mené les policiers à sa cachette secrète. L'officier Sean Capiello a senti un objet mou dans la craque de fesses de Roberts. Roberts s'est alors porté volontaire pour retirer le sac de 4,5 grammes de marijuana qui a été saisi. Lors de l'opération, un autre sac est sorti de la cachette, celui-ci contenant 27 morceaux de crack. Roberts a confessé la possession de marijuana, mais affirme que la cocaïne ne lui appartenait pas. Je sais pas qui c'est. Voyons. C'est drôle, il y a des drôles de noms de villes aux States aujourd'hui, c'est Intercoast, Manatee. Ouais. Donc, en effet, un ami lui aurait emprunté sa voiture et aurait oublié sa coke. Roberts l'aurait seulement caché pour la durée de son arrestation. Il a été accusé de possession de marijuana et de cocaïne. Pourtant, c'est une excellente défaite. C'est un meurtrier, man. Il va aller 15 ans en prison. Bon. Tu gardes ton autre pour la fin? D'accord. All right. Fred va nous parler du concours de costume. Oh, yeah! Je suis là pour de la pub, mais je pense que ça va être le fun. Parce que là... on commence le mois d'octobre, puis qui dit octobre dit Halloween. Ah ouais? dans les fenêtres de pharmacie, en tout cas. Ouais. J'ai déjà vu des maisons là, décorées en banlieue. Déjà, le stock de Noël est déjà sorti chez Rona, en tout cas. En fait, j'étais dans un Dolorama aujourd'hui. D'un côté de la rangée, t'avais l'Halloween, de l'autre côté, t'avais Noël. C'est génial. Ça arrive en même temps, c'est Chris, Noël déborde. Ouais, dans ce même Dolorama, j'ai trouvé un déguisement. C'était... En fait, faire ça bref, j'ai acheté, moi, mon rideau de douche dans ce Dolorama-là, il y a un petit bout. Puis là, je suis retourné, je check dans les costumes d'Halloween, puis je vois une cape noire, qui à la base pourrait être juste comme une cape, là. Sauf qu'elle était fabriquée avec un des rideaux de douche du magasin, et même très mal découpé, tout coché sur le côté. Puis il te la vendait une pièce plus chère pour la main d'œuvre, j'imagine. Ben oui, écoute. Une belle cape en... Ouais, en tout cas. Fait que, qu'est-ce que tu vas la porter au concours de déguisement? Hey, je vais acheter ça, je vais la fabriquer, j'en ai un rideau de douche pareil. Puis là, en plus, les 5 chapitres qui existent à date ont embarqué. Ouais, en fait, c'est ça, ça va se passer. Tu sais, d'habitude, quand il y a des affaires de main, le monde veut être avant tout le monde, mais pas nous autres. On va être après, tu sais. Fait qu'on fait ça lundi, le 1er novembre. Gratuit comme d'habitude. C'est une soirée de projection régulière, techniquement. Ça va être dans 5 bars parce que là, on a à Shawinigan, on a un 5e chapitre qui ouvre au Trou du Diable pour ceux qui veulent y aller. C'est dès le 11 octobre, lundi prochain. Ça va être au 412 rue Willow, au Trou du Diable. Sans oublier le Bistrot de Luquette à Rouyn-Noranda, le Boc et Bière à Sherbrooke et évidemment le Ninkasi à Québec et le fameux brouhaha, notre terre natale à Montréal. Marc Bélanger forever. Ouais, il va avoir le concours dans les 5 bars simultanément. Je vais essayer de faire ça vite, mais je vais vous donner tous les prix. Ça va être capoté, la gang! OK, fait que au brew pub, le premier prix, une assiette de smoke meat ou des ailes de canard, 2 pintes de bière, 10 shooters, puis un cadeau douteux, surprise. Le deuxième prix, t'as encore de la bouffe, les smoke meat, les ailes de canard, t'as 2 pintes, puis un autre cadeau. Troisième prix, 2 pintes, un autre cadeau. Hey, ça va être capoté. À Québec, ils vous offrent comme premier prix un pichet, un t-shirt, une cassie, 4 pogo et 2 DVD douteux.org. Ah ouais, 4 pogo, c'est phénoménal. Évidemment, on a un deuxième prix, troisième prix, des pichets, des casquettes, des affaires. Bistrot de Licouette à Rouyn-Noranda, premier prix. Pogo. Non, on a un pichet de bière, une carte échangeable aussi contre un repas et un verre à bière. On a aussi en deuxième et troisième prix des pichets de bière et un verre à bière. Ça va être phénoménal. Donc, il y a 3 prix par place encore. Oui, sauf le Bock et Bière à Sherbrooke qui n'a qu'un seul grand prix, un pichet de bière, parce qu'ils considèrent que le public est encore faible, qu'ils vont grossir l'année prochaine. Ouais, mais c'est quand même un pichet de bière. Là. C'est juste que le défi est plus difficile parce qu'il y a juste un prix. Mmh. Puis le Trou du Diable aussi, qui est pourtant tout nouveau, va offrir 3 prix. Des pintes de bière, des t-shirts, des casquettes. Ça va être capoté, plein de niaiseries. Puis évidemment, vous pouvez déjà voter pour les films qui vont être en vote pour l'Halloween avec toutes les informations, des prix, puis tout ça sur le site de douteux.org. Les films en vote, ça va être Au coin proie, Suceur de sang, traduit en français. Avec énormément le verbe sucer dans ce film-là. À Montréal, on va avoir Jean-François Gibson, des Sprats, qui vont venir nous chanter la toune thème. Si ça gagne. Si ça gagne, on va avoir la chanson live en avant. Même si ça perd. Moi aussi, je joue un Sprat, je le savais même pas. Ah, plein de surprises. Il y avait plein de surprises. Non, mais c'est juste Jean, ce sera pas. Le band sera pas là. C'est sa carrière solo, là, qui commence. C'est le projet solo à Jean. Donc, les suceurs de sang vont être. Contre le film La Maison du Cauchemar. Un des favoris de notre archiviste principal, notre ami Chénier. Mal. Une poupée mangeuse d'hommes, puis tout ça. Qui tue avec des fans. Puis des chansons, toujours la même. Ça va être super bon. Puis en deuxième projection, on va se taper le spécial d'Halloween du cartoon de Ghostbusters. Oh. Puis t'as même préparé une grosse playlist de clips. La playlist est déjà faite, en fait. J'attends juste l'Halloween. Ça va fesser. Puis ça va être la même playlist dans les 5 bars en même temps. Il n'y aura pas de chiolage. Merci bien gros, Fred. Il n'y aura pas de demande spéciale. Non. Non, c'est l'Halloween, c'est nous autres décide. Juste après, ouais, c'est ça l'horreur. Merci bien gros, Fred. Quelle aventure. Ça m'emmène vers notre ami Israël Trudel-Denis. Il te restait une lettre, toi. Une lettre écrite au crayon de plomb. Ça fait que ça s'efface avec le temps. C'est écrit PS ne la montre à personne, OK? On l'avoue pas. Tout le monde, on se ferme les yeux. Mets ça dans ta pipe. Chose. Ça commence comme ça. Salut, ça va? Moi, c'est cool. Puis, à soir, vas-tu en ville? Si oui, c'est cool. Moi, je vais rester chez nous à rien faire à soir. Peut-être que je vais t'appeler, OK? Tu peux m'appeler, OK? Au 797-3368 dans le 819. parce que je ne sais pas si vous en rappelez, mais à l'époque, on n'avait pas besoin de dire l'éducatif régional. C'est vrai, hein, dans ce temps-là. Ouais. C'était le bon temps. OK. Chris, que c'est plate l'anglais. Et toi, tu es en quoi? En tout cas, ça se pourrait que vendredi, je vais en ville. Ça se peut que vendredi, j'aille en ville. OK. En tout cas, ça se pourrait que vendredi, j'aille en ville. On pourrait se voir, hein? Bon, c'est cool. J'ai fini mon travail de l'anglais. En tout cas. C'est qui, c'est l'anglais? L'anglais? Parlais-tu du prof? C'est le prof de maths. Ouais, c'est ça. Monsieur l'anglais. OK, j'ai fini mon travail de l'anglais. En tout cas, je sais pas si je te l'ai dit, mais je vais t'appeler à soir. Fait que si ça dérange pas... on pouvait pas relire. Si ça te dérange pas, on va pouvoir se parler. Bon, ben, je sais plus quoi te dire. Ben, il était temps. Ah ouais, dis-le. Fait que see you à la prochaine. Tu peux m'écrire, hein? Un jour ou l'autre, OK? PS, bonne chance. Je t'aime. En amour, en paix. Bonne chance en paix. Bonne chance en paix. Ouais. En paix. J'ai gagné le Nobel. En argent, en amitié, ER. Et tout ce que tu veux, OK? Quand tu vas m'écrire, tu me diras si j'aurai une chance avec toi. OK? Ah! Bang! It's on, voilà. It's on. Oublie pas, tu peux m'appeler au 797-3368 de Sandra. Mais c'est pas la Sandra qu'on connaît. C'est pas elle, ça. Le coup de bâton de hockey dans les dents, toi. Bang! Juste à la fin. Bang! Que, bang! Tu sais, tu penses à la TV. Juste que tu saches pas! Ok, merci Sandra, je l'ai montré à personne. On l'a pas fait. Ben, merci beaucoup à toi-même. T'avais-tu un kick dessus ou t'as ben, moi, des chances, je peux même pas me rappeler de son visage ou de quoi. Là. C'est vraiment, je l'ai sorti de l'abîme, celle-là. Eh hey, ben, si elle écoutait l'émission, ce qui on la salue, elle peut appeler à quel numéro, Tommy? On parle du 987-3000 poste 1610. Si on lui donne un bouquet de Nissan Sentra si elle appelle. Ou encore, toujours nous joindre à notre adresse EMAL. Eh oui. Au 70% à commercialgmail.com. 70 POUR 100. Voilà. Mm-hmm. 70 POUR 100. Si vous avez déjà une Sentra à la maison, on peut remplacer votre prix par un souper avec Bernatchez. Vous pouvez ne prendre que les pièces. Dans la Sentra. Il y a un hic, il fait le souper. Est-ce qu'on a fini l'émission puis on met la toune du métro? Il reste une nouvelle à Bruno. Il reste une nouvelle. Il ouais. me reste une petite partie de mon texte. Je pense qu'on va la garder pour la semaine prochaine. Parfait. Ouais, ça fait pitié. Ça fait de la on peine a trop à tout d'affaires. Le monde. Ah. Essayez de taper ça. STCUM 1992 sur YouTube. C'est souffrance, je veux dire connaissance gâchée pour voir. Ah, moi, je dis, tu finis l'émission avec pareil. Puis on fait ça vite avec le reste. Go. On commence. Les nouvelles. Les c'est nouvelles. Bon. Vas-y, alors, Bruno. Pour le super avec Bernatchez, j'aimerais annoncer que ça va probablement être avec la sauce à spaghetti de Marky Ramone. Oui, il est maintenant possible d'acheter la sauce à spaghetti de Marky Ramone. Non. C'est bon à savoir. Le grand rocker. Voilà, le grand rocker. Wow. 88$ la caisse. Tabarnak. C'est quand même un beau prix. Donc, je t'ai rendu où, moi? C'est quoi le rapport? C'était laquelle, moi, la mienne? OK, c'est bon. Austin Horries Pufroy, un jeune homme de 19 ans, de Las Cruces au Nouveau-Mexique, voulait déféquer dans la voiture de sa copine. Bon, c'est juste qui arrive. Il s'est alors dirigé vers la Honda Civic, a brisé la vitre et s'est installé sur le siège arrière avant de faire ses besoins. Alors qu'il remontait son pantalon, un homme s'est dirigé vers la voiture. Purifoy lui a alors demandé si c'était sa voiture. L'homme a répondu que oui. Désolé, a-t-il répondu, je croyais que c'était celle de ma copine. Un bloc de ciment a été trouvé à l'intérieur de magasin avec la vitre cassée et des traces de souliers entre le magasin et la voiture correspondant à celle de quelque chose là. Il a plaidé coupable aux deux accusations de destruction de propriété et a remboursé les deux vitres cassées après s'être excusé. ça c'est filer son orgueil en maudit. Puis on sait pas c'est quoi sa motivation. Non, c'est pas clair. Quand ils l'ont trouvé, il était comme plus là, il s'était sauvé, puis il était en train de fumer, puis il disait qu'il se cachait de sa blonde pour fumer, genre. Un héros, mais ça a l'air cohérent. Hein? Ouais, c'est héros. Ça, ça a vraiment beaucoup de sens. À un moment donné, il faudrait que je vous raconte le meilleur vol que j'ai vu dans tous mes procès que je transcris à Valleyfield. Ben, ça vaudrait la peine. Mon gars, on écoutera la toune la semaine prochaine. Ouais. C'est long un peu quand même. Si je raconte ça, ça sera jusqu'à la fin. La semaine prochaine, on prépare le public, puis la semaine prochaine, on va avoir d'entendre l'histoire. Ben écoute, c'est comme vous voulez. Non, ben, tu suites. On va juste checker quel est qui. On a-tu le temps? Ah, on a le temps en masse. Ben oui. Okay, ben, merci, Jarjar. Oui, c'est notre correspondant aujourd'hui de la planète Nabou. Merci, Jarjar, je ne sais pas. Je sais pas, c'est rare qu'on dise ça. Fait que finalement, l'action se passe à Valleyfield, puis ça commence que il y a un gars qui arrive avec une cagoule, pas une cagoule vraiment, un foulard, puis une casquette des Expos. Puis il décide de cambrioler le club de curling de Valleyfield. Déjà, cible intéressante, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup d'argent là. Fait qu'il rentre dans le club de curling. Installez-vous. Et puis là, il dit, donne-moi ton cash. T'sais. Puis là, le gars du club de curling, il panique un peu. Puis là, finalement, il sonne l'alarme. C'est une alarme sonore, là, pas une alarme silencieuse. Fait que là, le voleur, il voit que ça marche pas. Fait que là, il sauve en courant. En sortant en courant, ben il marche dans un bout puis il laisse des belles empreintes de pied super claires. Puis en quittant avec l'auto, il y a une caméra du McDo d'en face qui voit l'auto s'en aller. Là, lui, pas content de ça, il se dit, bon, ben là, j'ai pas réussi à voler. Fait qu'il s'en va dans un dépanneur comme à deux coins de rue de chez eux. Puis vraiment ça, là, quand j'ai tapé l'adresse, j'étais là, voyons, il me semble c'est la même adresse qu'il a dit pour son adresse. Puis là, je suis retourné voir, ah ben non, OK, c'est juste un tout petit peu plus loin. Fait que là, il est rentré là avec le même accoutrement. Puis il a demandé au gars à la caisse, donne-moi ton cash. Mais là, le gars, puis là, c'est là que ça devient assez intéressant, il était unilingue anglophone, le caissier du dépanneur. Fait qu'il n'a pas compris qu'est-ce que le voleur voulait exactement. Oh. Barrière de langue. Fait que là, voyant que le gars ne comprenait pas, il s'est dit « Fuck, qu'est-ce que je fais? » Fait qu'il est juste comme reparti, finalement. Fait que là, il est sorti. Il est retourné chez eux. Tout ça pour rien. Après ça, ben éventuellement, ils ont fini par le retrouver à cause de l'auto qui avait été vue par la caméra du McDo. Puis, entre autres, il y avait du monde, des voisins, de ses voisins, qui avaient porté plainte à la police parce qu'ils tiraient du gun dans le cour, puis ça tirait sur les murs de l'immeuble d'à côté. Puis ce gars-là, ben il était déjà en probation, fait qu'il avait pas le droit d'avoir d'armes à feu. Fait que là, tout ça, ça justifiait en masse d'aller chercher un mandat, puis de se rendre chez eux faire une petite perquisition. Puis là, quand ils sont rentrés chez eux, c'était la blonde d'un des gars qui répond. Fait qu'elle, elle veut pas de trouble. Fait qu'elle dit, c'est beau, rentrez, faites comme chez vous. Fait que les policiers, ils rentrent, ils commencent à fouiller un peu. Ils arrivent dans la chambre, puis le gars, sans doute inspiré par Lucky Luke, son héros, il était couché dans son lit, couché sur le dos, avec les couvertes montées jusqu'au torse. Un bras sorti des couvertes avec une carabine loadée dans la main, déjà le doigt sur la gâchette pour être prêt à tirer à tout moment, mais il dormait tellement dur que les policiers ont été obligés de le shaker violemment pour qu'il finisse par se réveiller. En fin de compte, on comprend plus tard qu'il était sans doute gelé en même temps. Donc là, ils fouillent dans la maison, ils trouvent plein d'autres armes, plein de munitions, au point qu'ils ont rempli deux gros sacs de sport avec tout ça pour pouvoir sortir ça dehors, les policiers. Entre autres, des fusils chargés laissés comme ça de même dans la cuisine, alors qu'il y avait des enfants de 3-4 ans qui vivaient aussi dans cette maison-là. Et là, juste pour moi, je me disais, bon, le gars, il va dire, ouais, OK, j'avais des guns, mais c'est pas moi qui ai volé quoi que ce soit. Pour que ça soit encore plus incriminant, on trouve sur son cellulaire des photos de lui habillé avec sa casquette des Expos, son foulard d'en face, son gun dans la main, pris juste une heure avant les tentatives de vol. Fait que, tu sais, lui, avant de partir, c'était comme, hey, yeah, on s'en va voler. Après ça, juste pour rajouter encore plus, il y avait dans sa commode un calepin avec dedans un plan qui avait l'air d'avoir été rédigé par les Dalton avant d'aller voler la banque. C'était écrit, c'était en fait le plan d'une prise 2 du vol du dépanneur. C'était marqué genre... Apprendre l'anglais. Oui, ben non, même pas. Alors, ça aurait été trop long. C'était, tout le monde était identifié par des initiales. Donc, il y avait les initiales des deux accusés plus deux autres. Fait que là, ça disait, mettons, B et J rentrent dans le dépanneur. Puis après ça, B demande l'argent au dépanneur en anglais. Fait que là, c'était trouver un anglophone, c'est pour venir faire partie du coup. Puis là, après ça, le plan, c'était on se sépare le butin et on se casse. Fait que tu sais, il y avait quatre étapes relativement simples. Il avait pris la peine quand même des écrits pour être sûr de pas les oublier. Parce que quand t'arrives là-bas, puis là, tu te demandes c'était quoi la prochaine étape, c'était-tu on demande de l'argent, non, attends, on le fait. Qu'on s'en allait? On se casse en arrivant? On se cassait-tu ou pas? Là, la police arrive, ah fuck. T'sais. Fait que là, quand c'est bien organisé, t'es sûr que ça va bien marcher. T'sais. Fait qu'il y avait ça décrit dessus, tout leur magnifique plan. Fait qu'avec tout ça, ben ils ont été reconnus coupables assez rapidement. Héros. Voilà. Puis tout ça pour finalement avoir rien réussi à voler en plus. C'est qui est assez beau. Sauf notre cœur. Ils ont réussi à faire point. Oui, ben ils ont réussi à briser toutes leurs conditions par contre. Ils ont volé notre cœur. Ils nous ont attendris. On salue tous les gens de Valleyfield. Ma mère vient de Valleyfield. Ah, il se passe toujours des belles choses là-bas. Mais c'est pas toi, ouais, c'est ça. C'est pas toi qui disais. C'est pas toi qui disais justement que chaque fois que t'as les pignaiseries que t'entends, c'était toujours à Valleyfield que ça se passe. Oui, oui, c'est pas mal ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau là-bas ou quoi, là, mais en tout cas... L'opinion de DJ George ne reflète pas nécessairement celle de... Des gens de Valleyfield. Non, il y a un certain nombre de Bernatier et de ses filiales. Ouais, c'est ça. Ses filiales. Hey, les gars, on est rendu à la fin, là. C'est tout le monde a fini ses affaires. Ouais. Oui. On va vous laisser sortir, puis m'aller la dernière partie de mon J'ai texte. J'ai pas fini mes brocolis. Bataille Gazi Galia. À la prochaine, les amis. Merci beaucoup, Israël, Julien, t'es un héros. Bruno, Predge, puis Jarjar. Et voilà. Puis Étienne Forêt, merci bien gros, mon gars. Belle trouvaille, le Jarjar. Ouais, ben venez l'acheter à l'encan du tout si vous le voulez. Et voilà. Je mets en background ici l'excellent Bataille Gazi Galia. Donc, la question autour des dialogues et de l'histoire de régler, on peut se parler des vraies affaires. Si quelqu'un ici bloque à la barrière du langage et n'est pas impressionné par les armes en fond meurtrières, les costumes d'Halloween stéréotypés, les expressions exagérées sur les grosses faces velues en gros plan, les méthodes de torture, la tendance malsaine que le héros a visé les couilles de ses ennemis et la variété brute des meurtres à répétition commis par Cunette, Ben, je sais pas quoi dire. Attendez 3 minutes et 5 personnes seront mortes de manière impossible, puis on s'en reparlera, là. En fait, la quantité de cadavres que nous montrent ces films n'est égalée que par la variété avec laquelle ils sont créés. Tuer 3 gars d'un coup de lance, 2 gars d'un coup d'épée, en tout cas, toutes sortes de niaiseries me faisant vous inviter à compter le nombre de morts dans Savoutoun Battle Gazi Gilead. En rafale, quelques séquences du film qui nous donnent, à mon sens, un moins 1 d'un coup à l'ensemble. Le montage de recrutement de méchants au tout début, l'invasion du village couronnée par le viol, puis le suicide de la fille du roi à la 12e minute, la manière dont Cunette va sauter devant l'archer à la 25e minute, l'immortelle séquence du Barry meurtrier à la 30e minute, le combat dans le bunker juste après l'immortelle séquence du Barry, le coup de tête de trampoline à la 40e minute, le combat contre le gars qui se bat avec des lames rondes à la 58e minute, puis ensuite tout le reste du film. Enfin, à ma connaissance, tous les films turcs sont pareils. Les méchants sont des représentants d'une autre religion. La trampoline est un pouvoir exclusif à Cunette, qui est le héros de tous les films turcs, et le nombre de décès de Drounis toujours astronomique. Ouais, vraiment. En conséquence, malgré l'illusoire barrière du langage, je suis obligé de donner moins 7 faciles au long métrage que l'on va écouter. C'était excellent, cette affaire-là. C'est Tommy Godette au micro qui vous invite à aller sur le site douteux.org. Et puis, ben, si vous êtes quelqu'un qui avait envie d'ouvrir un chapitre, là, gênez-vous pas, envoyez-nous un email ou contactez-nous via le site douteux.org. Ou 70%, là, on est rendu un petit peu... douteux.org sur Twitter. C'est quoi tu veux de plus? Je vous laisse avec Savoutoun Battle Gazi Gilead. Et voilà. Salut, merci. Çarmıha çevireyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin. Götürün!